Voilà, donc tout ça. Le film sera quand même passé à Annecy, donc. À la base, c'était la volonté de faire de tenter l'idée du générique d'Annecy, c'est ça, Gabriel? Oui, ce film, c'était pour répondre au concours lié à la bande-annonce du festival. Donc, Gabriel Jacquel, Claire Trollet, Gilles Cuvelier, donc en bout de table. Vous êtes trois, il manque Samuel Guénolé, quatrième, et Lorraine Brébant, qui est une cinquième, qui est arrivée, elle, par la suite. Voilà. Après, voilà, il y a l'idée de pouvoir augmenter le studio, ou vous pensez rester Non, dans non, cette je même... pense que c'est des choses qui vont se passer. Il va y avoir des personnes qui vont squatter pendant un an. Il y a des personnes qui vont peut-être être là, et on va essayer de les aider pour faire leur film. Il y a peut-être une éventuelle évolution du studio où... Il faudrait remplacer les vieux un peu. Ouais, je pense. Ouais. On va faire un concours, en fait, je pense. C'est Koh-Lanta, on y pensait, en fait. Mais on verrait si c'est les vieux qui arrivent. C'est marrant, ça. Non, à un moment donné, en fait, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer au sein du studio aussi, c'est que, sachant que Gilles et moi, par exemple, on donne cours à Super Infocom, et en fait, c'est vrai qu'on a... On a travaillé avec pas mal d'étudiants qui sont vraiment spécialisés dans la 3D, et éventuellement il y a aussi une évolution du studio, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être des personnes qui vont venir s'imbriquer au studio avec un projet en 3D, où en fait du coup on aurait une équipe un peu plus spécialisée dans la 3D, c'est-à-dire que nous on fait l'animation 3D, ça on sait faire, mais tout ce qui est la conception, setup, machin, truc, tout ça, ça on fait pas trop, quoi. C'est pour ça. Il y a l'idée dans Train-Train, en fait on parlait de Papy 3D qui est un petit peu après Train-Train, c'était aussi la volonté d'un seul coup de vous étiez tous au film du Nord et de partir et de créer enfin quelque chose qui vous appartienne plus. C'était ça l'idée, ou c'était quoi la volonté? Est-ce que les deux vont prendre le micro? Gilles, Claire. Est-ce que c'était quoi la volonté? Enfin, déjà, quand est né Train-Train? La date? Bah, Train-Train officiellement, on est 2006 sur le papier. Peu importe, donc 2005, on va dire. Normal. En fait, nous, on travaillait essentiellement pour la boîte de production qui s'appelle Les Films du Nord, qui est basée, donc, comme son nom l'indique, dans le nord de la France. Et nous, on s'est connus déjà à l'école. On était dans la première promo du premier DMA en France, à Roubaix. Après, pendant un an ou deux, nos chemins se sont un peu éloignés. Moi, j'ai continué des études à Dublin. Gabriel a continué à Gand, dans l'école qui s'appelle le Casque. Claire, toi, tu as fait aussi le Casque, ouais. C'est ça. Et puis, Gabriel a été premier à rejoindre le film du Nord. J'avais traîné au Gobelin pour faire mes stages, donc j'appelle Gabriel, écoute, il me faut un stage absolument. Il dit, bon, je vais demander à mon patron, qui était Arnaud, donc à l'époque, Arnaud Demac. Donc je fais mon stage, je présente un projet de film que j'avais, Arnaud décide de le produire, etc. Et donc finalement, on s'est installé durablement dans le nord de la France, ce qui n'était pas forcément prévu au départ. Et donc, on travaille maintenant depuis plus de 10 ans ensemble. Claire est arrivée un petit peu après. Samuel aussi. Et Lorraine, c'est la dernière arrivée officiellement au studio. Voilà pour l'historique, on va dire. Et donc, la question, c'était pourquoi vous êtes parti dans les films du Nord. Donc, vous aviez cette possibilité d'avoir à la fois un producteur, donc, notamment Chahut. On va avoir des petites images de Recto Verso. Vous travaillez sur les films d'autres, voilà, entre vous, etc. Pourquoi l'envie d'un seul coup de créer son propre studio? Bah parce qu'au bout d'un moment, on travaille avec des personnes, nos mentalités évoluent, nous on avait aussi d'autres envies, pas forcément toujours travailler avec le même producteur, varier les plaisirs aussi. Donc voilà, on a fait ça, ça s'est fait assez progressivement, et puis on a fini par prendre vraiment notre indépendance vis-à-vis des films du Nord. Et malgré tout, on continue à travailler régulièrement avec eux, mais aussi avec, on a travaillé avec Olivier, avec plusieurs. producteur du collectif de, des producteurs d'animation. Moi, étant faisant partie de Papy 3D, on a aussi une relation assez proche avec Papy 3D. On a fait travailler sur les sur 5 des 6 films, 4 des 6 films. Donc voilà, on a une liberté plus grande maintenant, en fait, tout simplement. Donc, ouais. Puis ouais. Ça venait aussi d'un constat, c'est que en fait avec les films du Nord, on était sous le label, on va dire, Suivez mon regard, qui est en fait une association aussi, parce que Studio Trintrin, c'est une association, c'est un collectif d'artistes en fait. Et en fait, le Suivez mon regard, c'était un collectif donc d'artistes, mais qui était basé pas dans le nord de la France, mais à Moucron, donc à la frontière belge. Donc en fait, c'était un collectif à l'origine qui devait mélanger les Belges et les Français. Et petit à petit, on s'est retrouvés tous Français. C'est-à-dire que les réalisateurs belges, finalement, ils partaient, enfin, ils ne sont pas restés en fait dans le collectif. Et c'est aussi du coup venu lors d'une discussion avec Arnaud où en même temps on s'est dit c'est un peu idiot, il faudrait qu'on ait plus un collectif français en fait. Et donc il y a eu ce déménagement aussi qui a été fait par rapport à ça. Il y a aussi donc l'évolution qu'on avait envie, c'est-à-dire de travailler peut-être pour faire de la commande, éventuellement faire du clip, etc. Et tout. Et ça c'est quelque chose que Arnaud ne voulait pas faire. Et nous ça nous intéressait, même si on fait pas beaucoup finalement. Mais Oui, il y a eu quelques, il y a eu un clip sur quel clip du dernier album de Jacques Brel, de Florent Pagny reprenant Brel. Vous avez fait ce clip là, vous avez fait quelques pubs pour Total. Castorama, c'est ça, des choses ouais, comme Castorama, ça non Total. Mais ça fait un bout de temps non? Bah, ça fait un bout de temps parce qu'il y a eu des appels à projets, enfin on nous appelait en disant ouais, on veut absolument travailler avec vous, etc. Pouvez-nous fournir des recherches? Et puis au final on se rend compte qu'on est en fait en concurrence avec plein de personnes et que c'est juste pour avoir des styles graphiques différents à présenter. Enfin voilà, c'est là. Ouais, ou alors on va nous faire bosser pendant 10 jours. Ou alors on va nous faire travailler pendant une semaine, 10 jours pour fournir toute une bibliographie, un découpage, tout un machin. Puis finalement, c'est ah bah non, on n'a plus d'argent. Ouais. Finalement, on ne fait pas. Il nous faudrait un film pour demain. Ou pour hier. On a aussi proposé, je crois que c'était les Émirats Arabes Unis, une banque là-bas voulait nous proposer de nous payer en liquide. Ouais. Une mallette, non, c'est vraiment. Une mallette, mais vraiment. C'est vrai. Alors, c'est bizarre quand même. Ouais. On a accepté, on aurait peut-être dû, on ne serait pas là, on serait, je sais pas, en Suisse. voilà. Et c'est vrai qu'on n'est pas. On fait très peu de com, en fait, de commandes. On bosse essentiellement dans le court-métrage, ou ce qui s'en rapproche. Ou alors, récemment, on a abordé aussi la série, mais les séries assez courtes. On a travaillé un peu sur le portrait de voyage, qui est dont un des épisodes est en compète. Il y a eu une expo aussi au Centre Courrier. On a travaillé sur la web-série Hôtel, produite par l'Ardux. Donc là, c'était une web-série en 3D, complètement folle, quoi. Donc, vous verrez un épisode dans la carte blanche. Voilà, donc c'est plus ça qui nous intéresse plutôt que de faire une pub effectivement pour Castorama. C'était vraiment là pour nous permettre d'acheter un ordinateur de plus. Et voilà, c'est pas ce qui nous intéresse là. On a l'impression que vous allez plutôt vers. Vous êtes quelque part, il y a plutôt l'idée de voir des gens venir, de choisir des projets par rapport à ça, plutôt même que d'aller forcément des marchés. Absolument pour récupérer un peu tout et n'importe quoi. Enfin, t'as pas des bonnes choses aussi, mais finalement, c'est drôle parce que depuis ce matin, on parlait de relationnel. On a l'impression que là aussi, il y a vraiment cette idée de se dire, on connaît des gens, mais c'est pas forcément dans le côté réseau, mais plus, ben tiens, est-ce qu'il y a quelque chose, ça m'intéresse ce projet-là. On pourra parler du projet, peut-être des projets avec les trois ours justement. On démarche très peu. En général, on vient nous voir. Avant, c'était souvent des personnes qu'on connaissait. Précédemment, et maintenant, de plus en plus de gens dont on n'a jamais entendu parler nous sollicitent pour des projets, pour des devis, pour des. Voilà, donc bon. Nous, on est très peu communicants, c'est vrai que. C'est sûr. On devrait être plus. On parlait hier avec Carlos dans la salle, et ça, on ne fait pas. On n'a pas eu besoin de jusque-là, on n'a pas forcément l'envie, peut-être, je ne sais pas. C'est compliqué, on est une structure assez particulière. C'est juste pas trop notre truc en fait, je crois. Bah, c'est pas notre métier. Oui, puis la chose aussi, vous travaillez sur pas mal de productions extérieures et parler de Carlos par rapport à Je Regarde, ils mettent aussi leur production propre sur Internet, la pousser, en fait, les pousser, ce qui est toujours plus facile, alors que vous n'avez pas forcément d'ailleurs les droits pour mettre finalement les films sur Internet, par exemple. Quand il y a un préachat télé, la télé demande une exclusivité Internet pendant un certain temps. Nous, chez Papy 3D, on n'a pas les droits des films, donc la question ne se pose pas. Mais chez Papy 3D, dès qu'on est dégagé de cette obligation, les films, tous nos films qui ne sont plus sous cette contrainte sont en ligne. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi, cette double vie, cette possible deuxième vie quelque part du court-métrage. Ah oui, c'est important, il faut que ce soit vu. Je sais que, pour parler d'Arnaud par exemple, il n'a pas cette même vision des choses. Seuls les films très anciens sont en ligne, mais lui, il ne veut pas les mettre sur Internet, ou alors au bout de 5, 6, 7 ans. Donc là, c'est deux façons de voir les choses. Moi, je pense qu'un film doit être vu un maximum, quoi. On va gagner de sous avec, de toute façon, donc autant qu'il en profite à tout le monde. Quand les gens vous demandent, quand il y a des projets, vous parliez de devis, de choses comme ça, est-ce que c'est quoi exactement sur les projets? Il y a des tests d'anime, on vous contacte en disant j'ai vu tel film, on veut un peu le même style d'animation, ou alors non, ça peut être vraiment. Parce que ce qui est étonnant, on le verra dans la carte blanche, c'est qu'il y a des choses, en effet, entre tels, Edmond était un âne. La Vénus de Rabot, enfin bon, j'ai pas tous les titres en tête, mais des choses qui sont quand même très très différentes. Est-ce que vous, il n'y a pas des moments où il y a l'inquiétude quand vous êtes lancé dans la 3D par exemple, que vous ne connaissez pas forcément à chaque fois? Ça veut dire que vous faites des formations, vous êtes tout le temps en apprentissage quelque part, ou comment ça se passe? En gros, de toute façon, depuis qu'on fait du court-métrage, chaque film est complètement différent, donc à chaque fois on doit apprendre des choses, donc on évolue comme ça. En plus, là, c'est vrai que, par exemple, quand on a fait de la 3D, on n'avait jamais touché réellement à 3D Studio Max, parce que c'était fait en 3D Studio Max. Sauf un peu Gilles et moi, mais vraiment un tout petit peu, parce qu'on donne des cours à Supreme.com, mais quand on donne des cours, on parle de posing, et on ne touche pas trop au logiciel. Enfin, maintenant, on y touche plus, parce que du coup, on a eu cette expérience-là. Mais du coup, on se forme. Par exemple, pour le film de Nicolas, qui est dans la salle, on a utilisé TV Paint qu'on ne connaissait pas. Et du coup, on a profité là d'une formation. C'est le seul film sur lequel on a profité d'une formation AFDAS sur TV Paint, quoi, par exemple. Mais du coup, on se forme comme ça. Et pour répondre à ta première question qui était par rapport à quand on nous présente un projet, etc., ça dépend vraiment. C'est-à-dire que des fois, on nous propose un projet avec déjà une ligne graphique, etc., un auteur qui veut faire un court-métrage. L'avantage, c'est qu'on est dans le nord de la France, donc c'est une région qui aide quand même pas mal le court-métrage. Qui a aussi des avantages parce que l'aide qu'ils donnent, on ne doit utiliser que la totalité. À titre d'exemple, si on a 30 000 euros, on doit utiliser 30 000 euros pour des salaires, etc. dans la région. Mais il y a des autres régions où ils demandent d'utiliser le double. Donc du coup, en fait, on a cet avantage-là, on va dire. Voilà. Mais du coup, c'est un avantage. Nous, on est de toute façon tous du Nord. On a un studio dans le Nord, donc on octroie plus facilement des points pour être éligible à ces commissions. Et après, la question du budget, c'est assez abstrait dans le court-métrage, c'est-à-dire que des fois le film fait évoluer le budget, où on a besoin de plus d'argent, et inversement aussi, c'est-à-dire qu'on a très peu d'argent, donc il faut faire évoluer le film pour que ce soit réalisable quand même avec le peu d'argent qu'on peut avoir des fois. Et des fois, on baisse un peu le prix du studio ou des choses comme ça pour que le film puisse se faire, quoi. Ouais, en fait, au niveau des financements, de la fabrication, il y a un peu tous les cas de figure. Ouais. C'est vraiment c'est vraiment cas par cas. Et finalement, ça se résout. Enfin, on négocie, quoi. Ouais, comment ça se passe? Il y a l'un d'entre vous qui est sur chacun des j'ai perdu. Bon. Sur chacun des projets. Il y en a un qui, parce que vous êtes à 4-5, est-ce qu'il y en a un qui dit toi tu t'occupes de tel projet, c'est toi qui vas t'en occuper, toi tu t'occupes de tel autre projet? Alors en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est que sur chaque projet, il y a un interlocuteur unique entre le studio et la prod. Par contre, pour ce qui est du budget, ça on en discute avant, parce que il faut qu'on ait une idée globale de comment pourrait se faire le film, qui à quel poste, etc. Combien d'heures, combien de jours, enfin, voilà quoi. Mais sinon, il y a un interlocuteur par film, par projet. Et au début, c'était principalement Gilles ou moi qui faisions ce travail-là. Mais maintenant, dans l'équipe, on se répartit un peu les choses. Parce qu'on essaye de faire de plus en plus. Notre objectif, c'est d'essayer de faire deux courts-métrages en même temps, ce qui n'est pas forcément facile. Mais voilà. C'est parce qu'il y a de plus en plus, encore une fois, de projets aussi par rapport à ça que ça peut vous permettre de... Bah, c'est parce qu'on on nous a de plus en plus sollicités, en fait. C'est aussi ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a l'opportunité de prendre une personne en plus au studio. Ça nous paraissait assez logique. On avait fait un test avec Thomas Platt, qu'on avait aidé pour faire son film. Après, Nimbus Machina, donc Nimbus Machina qui passera. Après, ça a plus ou moins bien marché. Il a voulu faire d'autres choses, etc. Donc, il est parti de Train Train, mais il est parti de Train Train pendant la création de son film. Et en fait, Lorraine, qui est aussi une étudiante de l'ESAT, on l'a aidé à terminer son film qui s'appelle Sumo, qui sera aussi dans la carte blanche. Et si on a pu se dire, bah tiens, on va rajouter une personne aussi, c'est parce qu'on s'est dit, bon, bah tiens, il y a des moments où on a deux projets éventuels, mais on est obligé de leur dire, bah non, on ne peut pas trop. Donc si on est un peu plus nombreux, il y a peut-être moyen de faire des plus petites équipes et de continuer. Parce qu'en général, les films, on les fait à très peu, en fait. On en est quatre, souvent on a fait des films à quatre. Longtemps, on a fait des films à quatre, des fois à trois, des fois tout seul. Olivier, comment choisir un prestataire ? Au niveau de l'animation, c'est le réalisateur qui te dit Train Train, je les connais, ou Y ou un autre studio, je les connais, ça m'intéresserait. Toi, tu peux dire bah, tiens, ce serait peut-être intéressant, je sais leur qualité par rapport à tel ou tel style, on pourrait leur demander. C'est mieux si c'est un désir du réalisateur au départ, hein, parce qu'il part en confiance, etc. Après, le réalisateur n'a pas forcément toujours une idée, donc il faut qu'on lui propose des choses. Ça, c'est le rôle du producteur. Nous, on sait un peu ce qui existe, les compétences des gens en différents coins de la France, parce que c'est très réparti géographiquement. Donc, il y a une problématique qui est liée à la fois à des compétences, à des affinités et à des financements. Quand les films passent, toi, si tu repères ça en festival, par exemple, on parlait de Train-Train, et pas mal de films sont passés, ont été en sélection dans les festivals ou quoi. Tu regardes toujours les petits les studios à la oui, fin. Oui, je suis très attentif au générique des films, notamment des films français, oui, évidemment. Hein, de savoir qui a travaillé sur quoi. Ouais. Plus que même les bandes démos ou ce genre de choses. Oui, je regarde pas les bandes démos. Non, c'est vraiment les films oui. Quand je vois d'abord, je regarde les génériques des courts-métrages. Ça peut arriver sur certaines séries aussi que je puisse faire attention à ça. Hein. Mais il y a aussi une question de relationnel hein, qui est importante, parce qu'on se lance dans une aventure comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une confiance, une proximité. C'est rare qu'il n'y ait pas, à un moment donné, des difficultés, elles peuvent être d'ordre technique, d'ordre financier, d'ordre relationnel avec le réalisateur. Si on n'a pas une vraie relation de confiance, ça peut vite dégénérer. On parlait tout à l'heure de studio, vous parliez entre vous de production qui parlait d'auteur, de choses comme ça. Est-ce que on va pas tenir de nom, hein, vous inquiétez pas, mais est-ce qu'il y a des producteurs, est-ce qu'entre vous, avant de travailler avec un producteur, vous appelez d'autres connaissances en disant t'as déjà travaillé avec ce producteur-là, ou en fait vous les connaissez quasiment tous? Et pareil, vous, est-ce que vous faites la même chose, vous regardez dans les festivals, vous allez, vous dites ah bah tiens, ce producteur, il a fait ça, vous les connaissez déjà avant qu'ils vous contactent? Nous, on en apprend, on est tranquille. Bon, on se connaît quand même plus ou moins, alors je connais plus que d'autres. En fait, je pense que la meilleure façon de savoir, c'est de bosser avec la personne. Et on voit ensuite si effectivement on pourra réitérer l'expérience, ou alors. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas que le producteur, il y a le réalisateur. Très bien s'entendre avec le producteur et pas avec le réalisateur, et ou inversement. C'est très compliqué. Je peux même bosser deux fois avec un producteur avec lequel je ne me suis pas forcément entendu la première fois, et la deuxième fois ça se passe mieux, ou inversement. Enfin, là j'avoue que j'ai plein de noms. Ok, on fera ça juste après. Les gens avec qui tu travailleras plus jamais. Certains réalisateurs peut-être déjà. Et tu les connais, je pense. Et le micro marche plus, hein. Si, ça marche. Ah, faut être sur un micro, alors peut-être qu'on a beaucoup parlé et les pieds. Non, je pense qu'il n'y en a qu'un qui marche. Ouais. On m'avait dit qu'il fallait que je fasse attention aux batteries. J'ai pas fait attention. Ouais. Évidemment. Non, je disais juste, oui, il y a des fois certains réalisateurs avec qui j'ai plus envie de travailler, surtout, que plutôt avec un producteur. Et c'est réciproque. Hein. Oui, je pense que j'ai envie de travailler avec Gabriel. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Parce qu'on communique pas beaucoup, mais on râle beaucoup. On dit beaucoup notre opinion. Est-ce que des fois, il y a des gens qui viennent et qui vous rendez compte que le projet n'est pas complètement sûr? Comment on fait dans ces cas-là? On essaye de dire, ah, c'est un peu comme les producteurs. Est-ce qu'on ose faire en disant, il n'y a pas des choses à changer dans le storyboard, il n'y a pas des choses? Ou alors, en fait, tant pis, on fait avec et puis c'est pas grave? Il y a plusieurs cas de figure, encore une fois. Ouais. Il y a des fois où on nous présente un projet où, en fait, le projet est beaucoup trop ambitieux par rapport au budget, donc on essaye de faire comprendre au producteur qu'il faudrait peut-être dire au réalisateur de réduire la durée du film et pas faire un truc de 20 minutes, mais de faire un truc de 10 minutes, parce que sinon il faudrait qu'il double le budget, ce genre de choses. Mais il y a aussi des choses où, après, il y a certains projets où on est moins impliqué aussi. C'est-à-dire que quand forcément Franck ou Gilles viennent avec des projets, etc., moi je me pose pas de questions, je suis le truc, je sais que ça ira très bien, etc. Et des fois, je vois certains projets, je me dis, bon, bah là, de toute façon, on a un creux dans le studio. Si on avait eu un autre projet, peut-être qu'on l'aurait passé. Mais en même temps, on est obligé de le faire. Je dis pas non plus que c'est de la commande, mais des fois, ça peut s'apparenter un peu à de la commande, même dans le court-métrage, parce qu'il y a plus d'affinité avec certains réalisateurs ou certains producteurs. Et puis voilà. Vous, avec tout ça, vous réussissez à trouver un équilibre aujourd'hui, financier? Oui, pas personnel, ça c'est chacun, mais au niveau financier. Non, je voyais les regards, en disant, qu'est-ce que vous racontez? Au final, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est dit, bon, finalement, ça fait plus de 10 ans qu'on fait du court-métrage, c'est pas si mal, quoi. Donc, on peut dire qu'on arrive à avoir un certain équilibre, parce qu'on a une certaine on a de la chance, c'est que dans le Nord, finalement, ça nous coûte pas très cher au niveau du logement, parce qu'on bénéficie d'une maison aussi... qui ne nous est pas loué très cher. On a peut-être pas trop d'exigences, on n'est pas très cher. Donc on peut aussi, du coup, peut-être plus intéresser des personnes, je pense, au niveau des budgets, etc. Tout ça. Je pense qu'on se considère pas très cher, en tout cas. Ouais. On pourrait peut-être demander à Olivier, je ne sais pas, peut-être qu'il dira. Hey, oh. Non, mais je suis heureux de le savoir, surtout maintenant. Je serai attentif. Oui, c'est sûr. Ah, là, ça rigole. En fait, c'est le prochain projet. Zut. Pour les négociations, ça va être dur. Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que vous le ressentez? Parce que c'est vrai que moi, que je suis un peu plus extérieur, il y a l'idée de se dire que vous n'êtes pas excessivement cher par rapport au prix du marché. Est-ce que par rapport à la concurrence qu'il y a aujourd'hui, vous ressentez qu'on vous demande même aujourd'hui, malgré ça, de encore plus baisser les prix? Est-ce que vous avez l'impression, parce qu'il y a de plus en plus de studios, il y a de plus en plus de productions, mais comme on l'a dit, surtout par rapport aux courts-métrages, enfin, quand je dis plus de, il y a de plus en plus de boîtes de production, mais pas forcément plus de courts-métrages qui se font. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui devient complexe? Non, mais déjà, il y a un truc, c'est que, enfin, on se rend compte, c'est que les courts-métrages sont de plus en plus longs. Donc déjà, à partir de là, si c'est plus long, ça devrait coûter plus cher, mais en fait, il n'y a pas beaucoup plus d'argent, donc déjà, c'est pas évident. Souvent, on se fait piéger aussi, et moi le premier, c'est qu'en tant qu'auteur, on se dit, bah oui, ce film, c'est bon, je vais le faire en 6 minutes, et puis il fait 10 minutes. Et on se dit, bah ouais, c'est quand même deux fois plus long, quasiment. Mais c'était pas prévu dans le budget, donc on essaie d'avoir une rallonge, mais c'est pas évident, on n'en a pas. Et voilà, et c'est pour ça que c'est pas évident, en fait, au niveau des budgets, de tout ça, au niveau équilibre, c'est pas évident de faire. Avec les choses, avec tout ce qui se passe dans l'animation, est-ce que le long métrage, est-ce que vous pourriez travailler, je sais que vous êtes une toute petite équipe, mais en recrutant quelques personnes sur des longs métrages? Bah, oui, on y pense, mais ça c'est plus Gilles qui a plus de projets de long. C'est plus long. C'est plus long. Oui, on a des projets de long qui sont à différents stades d'avancement, mais c'est toujours des projets en tout cas qui restent dans notre philosophie. On ne va pas faire le long métrage de, je sais pas, de Titeuf, on ne va pas bosser là-dessus. Ça reste des projets qui ont une philosophie proche du court métrage aussi. Enfin, ça reste des projets d'auteurs, plutôt adultes, enfin, en tout cas dans les projets qu'on a actuellement en développement ou en écriture. On reste quand même. Donc des projets qui ne sont pas forcément très chers pour du long, d'animation. Ça donne aussi plus de liberté, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça veut dire aussi équipe réduite, c'est-à-dire qu'on va être 100 animateurs à travailler dessus. Voilà, donc on ne peut pas devenir un studio de 500 personnes, ce n'est pas notre but. C'est important, ouais, de rester dans des limites humaines, justement. Ah oui, pour moi, c'est essentiel d'avoir de questions, d'avoir un open space. Voilà, nous, on a une petite maison à Lille, comme ça. Ben, on est bien comme ça, en fait. On prend notre temps. Voilà, c'est le studio qui n'a pas peur du quotidien. Voilà, c'est... Il y a côté artisanal. Non, mais je crois qu'il n'y a plus. Non, il marche plus non plus. Il faut changer, il ne marche plus. Okay. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Sur la problématique du studio, nous on s'est posé la question, hein, puisqu'il y a donc aussi un studio Trois Ours à Angoulême, que c'est à peu près comme votre maison, c'est-à-dire on a 100 mètres carrés, donc on peut mettre 6-7 personnes maximum, quoi. Mais on s'est posé la question, à un moment, il y a quelqu'un qui a voulu rejoindre, s'associer aux Trois Ours, avec l'idée de dire on pourrait prendre un autre local, monter un truc plus costaud et tout. Et puis on s'est dit non. Finalement, au bout du compte, on s'est dit non parce que c'est autre chose, en fait, c'est un autre métier. C'est vraiment mettre en place une logistique qui est quand même lourde. J'ai absolument pas envie de faire ça. Il faut vraiment qu'on paye quelqu'un uniquement à faire ça, à gérer ça, d'un point de vue matériel, d'un point de vue humain, d'un point de vue. Voilà. Et puis ça oblige aussi à rentrer dans une nécessité de faire travailler les gens et de prendre un peu des trucs. Purement alimentaire, et c'est presque un autre métier. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs producteurs qui sont un peu entre les deux. Je pense par exemple à l'évolution de Je suis bien content, qui est aussi une bande de copains au départ dans un atelier qui ont fini par créer une société en faisant du travail de purement alimentaire, mais en lançant aussi des courts-métrages justement un peu sur un coin de la table comme ça. Et puis aujourd'hui, c'est trois sites dans Paris, des loyers considérables, avec des gens à payer. Donc ça devient lourd à gérer. C'est une vraie contrainte. Et je sais pas, il faudrait lever la question à Marc Jousset, mais c'est à la fois un signe de réussite, mais en même temps, je me demande si de temps en temps, il ne regrette pas la liberté qu'il avait avant. Quoi. Je peux dire, je suis bien content de travailler en ce moment sur le Tardi. Oui, ils ont fait faire Persepolis. Le jour des Corneilles. Donc voilà, des grosses productions. Est-ce que pour être dans le court-métrage, parce que c'est un peu ça toute la matinée aussi, est-ce que pour être dans le court-métrage, il ne faut pas non plus rêver d'avoir un train-train de vie voilà, trop important. Est-ce que ça, c'est quelque chose, des fois où il y a un regret en se disant « j'aimerais bien gagner plus d'argent et travailler sur des films qui ne m'intéressent pas » ou alors est-ce que vous dites « non, ça c'est vraiment quelque chose d'important de se dire « on a créé un studio » On veut créer sur des projets qui nous plaît, quitte à toucher un petit peu moins d'argent et pas être riche. Je pense que le micro est clair, c'est celle qui aime l'argent. Alors qu'elle souffle quand non, j'ai posé la question, elle était là. Oui, je trouve ça assez bizarre ta question parce que. On ne ferait pas ce métier-là. Ouais. C'était pour avoir beaucoup d'argent. On ne serait pas ici, tu vois. Mais tu veux dire dans la salle, ouais, vous seriez au MIFA, c'est ça, à l'impérial. On aurait accepté l'analyse de l'univers. Tu comprends pourquoi je dis ça en fait. L'histoire du niveau de vie et tout ça, c'est complètement non, c'est juste que c'est subjectif. Bien sûr, non, c'est parce que il y a toujours, c'est vrai, dans les rencontres, il y a aussi pas mal des fois d'étudiants ou de jeunes personnes qui commencent d'un collectif ou des choses comme ça, et c'est vrai que c'est toujours il y a quelque chose qui est en fait, c'était cette matinée était là-dessus aussi un petit peu. Il y a quelque chose d'étonnant toujours de vouloir faire du court-métrage. Il y a toujours cette idée de se dire je vais être plus libre, je vais pouvoir raconter mes histoires en faisant du court-métrage, mais il y a un côté un peu opaque, on sait pas forcément comment les choses se passent réellement. On ne sait pas s'il y a beaucoup de difficultés, de la facilité. Et c'est vrai qu'on vient à Annecy, il y a un côté un peu rêve aussi de voir tous les films qui sont en sélection. Et c'est vrai que je me demandais toujours, voilà, il y a toujours cette idée de, oui, on peut quand même vivre. Oui, on a envie. Parce qu'on en parlait ce matin, mais on peut quand même vivre du court-métrage, en faisant du court-métrage. Pas qu'en en réalisant, mais en faisant. Oui, on a envie. On est combien, 4, 5, même plus. Il y a plein de gens qui vivent de ça en France, quoi. Tout à l'heure, Olivier, il parlait aussi des techniciens qui ont bossé sur Mademoiselle Kiki, mais qui vont bosser peut-être après. Il y a un échange aussi, puis c'est une vraie volonté, le court-métrage, voilà, c'est ça qu'il faut peux dire, c'est pas. En même temps, on n'est pas malheureux, hein, ça va, hein, tout va bien. Hein, ouais. Non, mais c'est parce que vous avez pas l'air. Non, mais justement, c'est parce que vous avez pas l'air malheureux que je vous pose cette question. J'ai l'impression que ça va plutôt bien et qu'il n'y a pas de. On est pété de thunes. Il n'y a pas d'angoisse. Justement, sans être pété de thunes. C'était ça, en fait, tout le, toute la base. Non, mais. C'est la même chose pour le producteur, si je peux me permettre. Et c'est vrai que c'est un choix, quoi. C'est aussi un choix de vie, quoi. Moi, je sais que quand je paye des gens, alors moi, je suis payé tous les mois, donc ça change beaucoup de choses par rapport aux intermittents. Mais 90% des salaires que je fais, c'est des gens qui sont mieux payés que moi. Donc, voilà, c'est aussi. Donc, c'est un choix de faire des choses qui vous plaisent, dans des conditions qui vous plaisent, au maximum, au prix, effectivement, de quelques sacrifices financiers. Hein. Est-ce qu'il y a des questions pour Train-Train? Oh, on va. C'est Thibaut, puis après Laurent. Ouais. Moi, je me posais la question de savoir comment vous organisiez entre les commandes qu'on pouvait vous faire et vos projets de court-métrage sur lesquels vous bossez. En fait. Tu veux dire réaliser? Ouais. De réalisation. Quand tu parles des commandes, c'est la pub, les trucs comme ça? Oui, les trucs comme ça. Et puis même, je sais pas, quand vous bossez déjà sur un projet de court d'un d'entre vous et qu'il y a un autre projet de court qui pourrait se faire. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous dites bon bah on va le mettre en attente et on le fera plus tard ou est-ce que vous dites bon on va diviser les équipes pour pouvoir travailler dessus déjà Maintenant qu'on s'est un peu agrandi, on essaie de diviser. Voilà. En gros, c'est ce qu'on fait quand on voit. Mais le fait est que notre planning de production en général, on voit sur un an en fait. On ne sait pas si l'année prochaine on sera encore là. En gros, on ne sait pas si on va avoir encore des films, etc. On voit ça à peu près sur un an, sachant que ça bouge tout le temps. Parce que comme on dépend des commissions du CNC, du CRAV, etc., on nous contacte, on nous dit, tiens, est-ce que tu veux travailler sur ce projet-là? Ah ouais, ce serait bien. Donc on se dit, bon, les commissions arrivent là, tac, ça ferait un film à ce moment-là. Il y a une autre personne qui arrive, hop, on met un deuxième. Et souvent, il y en a un des deux qui passe aussi. Donc c'est pour ça que on essaye d'en faire deux en même temps. Ça arrive pas souvent. Ça arrivait dernièrement avec quand il y a eu Portrait de Voyage et... je sais plus ce qu'il y avait en parallèle. Nagéant, c'était après. Burke. Non, enfin, je sais plus. Mais en gros, voilà. Ouais, mais Beethoven, je le faisais tout seul. Donc ça, c'est encore un truc à part. Quoi. Mais voilà, en général, on essaie de faire ça. Après, ça dépend de la difficulté du projet aussi. Il y a des films où on se dit, ouais, bon, bah, ça, il faut une bonne équipe. Enfin, l'équipe la plus compétente, on va dire. Parce que c'est un film compliqué, tac, on met ça, et du coup, il y a une des personnes qui peut monter une deuxième équipe, éventuellement sur un autre projet. Mais il n'y a qu'un seul, et du coup, il y a des personnes qui viennent en renfort sur ces projets-là, parce que des fois, le réalisateur, il vient travailler chez nous, des fois, bah, on prend une personne en plus au niveau de l'animation, ou qui vient faire du décor, etc., tout ça. Et en fonction des commandes, pour juste terminer par rapport à cette question, par rapport aux commandes, bah, finalement, comme on ne démarche pas, vraiment, par rapport aux commandes, souvent, on a un creux, on se dit, ah bah tiens, mince, on a deux mois de creux, et puis là on reçoit un coup de fil, ah on aurait une pub à vous faire faire. Voilà. Donc en fait elle se place comme ça. Vraiment. Parce que la question c'était aussi, est-ce que vous pourriez couper par exemple, vous êtes dans le court-métrage d'un de vous, au niveau de la réalisation, et de vous dire, bah là on arrête, puisque c'est personnel, puisqu'on travaille ensemble là-dessus, pour passer à un autre projet qui d'un seul coup ne peut pas lui être déplacé ou pas, c'est pas encore arrivé. Ça s'est jamais présenté. On n'a jamais vraiment arrêté, parce qu'on veut vraiment travailler sur des unités de temps pour être le plus efficace possible, pas avoir la tête qui. Non, la moi, seule. J'imagine la pas seule une chose prod découpée comme ça dans le temps. On évite ça. La seule chose qui s'est produite, c'est vrai que l'année dernière, je devais travailler sur le film de Suki qui est là. Sur NGECO, et j'ai eu la possibilité, en fait, l'envie de faire finaliser un projet de série recto verso par un court métrage qui s'appelle Les démons de Ludwig. Et là, en fait, c'est un truc où il n'y avait vraiment pas d'argent, et du coup, je me suis retiré entre guillemets du projet de Suki pour faire mon film en laissant ma place à Lorraine qui faisait du coup partie intégrante maintenant du studio et qui du coup a pris ma place sur ce poste là. Donc là, ça a été scindé, mais. Là, pour le coup, c'est moi en tant qu'auteur, je me suis dit, bon, si je dois le faire, c'est maintenant. Il faut que je. Si j'ai envie de passer à autre chose que recto verso dans ma vie, il faut que je fasse ce film. En gros, c'était ça. Quoi. Voilà. Ouais. Ouais, et du coup, moi, je fais plutôt partie des consommateurs internet, des formats de cours, les deux séries américaines ou ce genre de choses. Et en fait, je ne suis pas spécialement le public festivalier, court-métrage. Quand j'essaie d'en trouver, créneau possible, par exemple sur la série, parce que je trouve que parfois il y a des séries américaines qui sont des choses assez osées, des formats plus longs, ou des longs métrages, en Israël, ça donnera au Congrès, mais bon, des formats plus. C'est pas bon. Des formats plus adultes en tout cas. Est-ce que vous, c'est des choses qui vous intéressent, donc vraiment vous essayez, mais vous voyez que la seule opportunité que vous avez, c'est le court métrage, ou est-ce que par définition vous êtes d'abord orienté vers le court métrage? Juste le conseil aussi de venir, donc vendredi Gabriel sera là pour qu'on parle justement de la commande, puisqu'il y a eu cette tentative de série, notamment d'ailleurs vous ne pouvez pas parler trois ours hein. Et donc voilà, on essaiera de voir pourquoi, comme tu dis, il n'y a peut-être finalement pas grand chose d'original aujourd'hui en série aussi en France. Pardon, moi j'ai toujours voulu faire un projet de série. Mon premier court métrage était déjà divisé en trois et c'était comme s'il y avait trois épisodes dans mon court métrage. Donc après j'ai écrit un projet de série, donc j'avais envie de faire une série, mais ça n'a pas été possible parce que peut-être que je ne l'avais pas assez bien fait, etc. Les chaînes étaient réticentes à faire une série en noir et blanc, un truc qui ne parle pas, un truc où on met la mort en scène. Donc en fait, essayer d'innover dans la série, ce n'est pas évident, surtout que la tendance dans la série télévisée française au niveau de l'animation, elle est vraiment, c'est pour les enfants. Quoi. Vraiment, enfin... Ce qui est très étrange pour parler de ça, c'est qu'on va le voir, c'est que vous travaillez en ce moment sur un projet de court métrage. On a l'impression que la série est plutôt pour enfants, alors que le court métrage est quasiment impossible à produire pour les enfants justement. C'est un paradoxe qui est très particulier à la France, c'est-à-dire qu'on a produit des courts métrages très ambitieux, etc. On n'arrive pas à produire de courts-métrages pour les enfants, alors qu'il y a une demande en distribution, on n'arrive pas à les financer. Et en série, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on est vraiment sûr de la production pour les enfants. Et alors, on a aujourd'hui un tout petit créneau, Arte, les Canal+, mais vraiment, c'est sur de toutes petites choses quand même, qui sortent de vraiment d'une production uniquement enfants, famille, et très standardisée en plus. Hein. Donc on est beaucoup moins aventureux dans ce domaine-là que les Américains ou même les Britanniques et quelques autres pays. Voilà. Pourquoi ? J'en sais rien, ça va peut-être changer. Mais c'est rare, pas de répondre en tout cas. On a du mal, c'est vraiment le problème de volonté des chaînes de télé, hein, parce que la série c'est la télé, si la télé ne veut pas de ta série, tu ne la fais pas, c'est impossible. Gabriel nous parlera de ça. De cartoon, enfin voilà. Et après, par rapport à Internet, des fois, on n'a pas les droits des courts-métrages qu'on a fait en tant que studio. On n'est pas producteur forcément du film. Les seuls films sur lesquels on est producteur ou coproducteur, c'est des films d'étudiants qu'on a réussi à aider en fait pour leur film. Le film Train-Train qu'on a autoproduit, des choses comme ça, ou les Démons de Ludwig où on est coproducteur. Mais j'ai quand même un contrat qui me lie par rapport à ça, par rapport à une chaîne, et on ne peut pas le diffuser sur Internet. Après, moi, l'envie de faire une série télé qui passerait par un financement par Internet ou des choses comme ça, c'est possible. Mais c'est vrai que le niveau de qualité qu'on fait en animation, etc., nécessite beaucoup d'argent. Quoi. C'est-à-dire que c'est facilement 7000 euros la minute. Et 7000 euros la minute, sur Internet, on ne trouve pas. Ou très... Il faut vraiment à fond marcher, faire un Kickstarter de malade ou je ne sais pas trop quoi. Mais je sais que moi, par exemple, pour parler de Recto Verso, de ma série Recto Verso, j'ai l'envie à un moment donné, mais là je vais passer à autre chose, mais j'ai toujours ça à côté de moi, et il y a un moment donné, je suis déjà en train d'en discuter un peu avec Gilles, essayer de réfléchir à un autre modèle économique pour ce projet, et éventuellement proposer ça dans un Kickstarter ou un truc comme ça. Si j'arrive à avoir autant d'euros, je fais 5 épisodes, si j'en ai plus, j'en ai fait 10, si je fais, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment... c'est pas pour tout de suite. Là, je me mets un peu à la couleur. Ah, donc, il y a l'idée de possibilité. On parlait de crowdfunding tout à l'heure. Il y a la possibilité de passer par cette possibilité-là. Dans ce schéma que j'explique là par rapport à ma série, oui, parce que je considère que j'ai tout essayé pas mal de choses pour essayer de la produire par le biais d'un producteur, etc. Et justement, ça, il faudrait que je vois si j'ai même le droit. Parce que mes droits, en tant que sur mon contrat, c'est 30 ans, je crois, que je... Je crois que je suis lié 30 ans à Arnaud par rapport à ce projet-là, donc il faudrait voir si je peux le faire tout seul aussi. Parce que là, pour le coup, je mettrais en place ça tout seul. J'aimerais bien le mettre en place tout seul, mais je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Donc, voilà. On peut changer les contrats. On peut changer les contrats, voilà. Enfin, on en parlera à Arnaud à un moment. Mais voilà, donc c'est vraiment pas... C'est ce, pour moi, tout ce qui est de recherche de financement comme ça, genre tout ce qu'on prend, etc., quand c'est un auteur qui demande aux gens en disant bah voilà, les chaînes en tant que producteur ne nous suivent pas, ne me suivent pas, est-ce que vous voulez me suivre pour un projet comme ça, là je trouve ça intéressant. Ça me dérange plus quand c'est une boîte de prod qui prend le truc comme ça et qui dit bon bah voilà, je vais participer, je vais demander au réalisateur de faire du crowdfunding, machin truc et tout pour avoir de l'argent. Là ça me dérange plus. Voilà. Pour moi, ça devrait être plus l'auteur qui est lié aux gens sur internet et ça devrait pas passer par un producteur. Ça c'est mon avis. Voilà. Alors il y a. C'est, hein, est-ce qu'il y avait une toute dernière question ? J'aurais bien continué ma question. Vas-y. Parce que, je sais pas, moi, dans ce que j'ai entendu de la part des gens qui sont en prod, on parle beaucoup d'équipement de l'audience de la télé, on parle beaucoup de transmédia, ce genre de choses. Est-ce que vous voyez des nouveaux canaux de diffusion apparaître ? Justement, toujours dans cette idée de production différente. Il y a des aides qui se mettent en place, oui, pas mal pour ça. Des aides multi-supports, etc., par rapport au projet. Donc déjà, s'il y a des aides qui se mettent en place, c'est qu'ils se disent enfin, ah bah oui, c'est pas con, tiens, ça pourrait marcher. Moi, mon projet de série passait par une application avec un scénario interactif sur smartphone ou un truc comme ça, avec des animations. J'ai même conçu le site internet un peu sur cette idée, il est assez animé, quoi. Et donc je pense que oui, j'ai plus de télé en fait. Je veux faire une série de télé, mais j'ai plus de télé. Et en fait, je regarde aussi sur internet où j'achète les choses, etc. Tout ça. Mais je pense vraiment que petit à petit, tout va passer par internet. Ouais. Enfin, moi personnellement, c'est ce que je pense. Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer que les frontières s'effondrent un petit peu aussi, ou pour l'instant, c'est juste franco-français? Pour moi, c'est un écran en fait. La télé, c'est un écran, c'est un moyen d'accès à l'image, internet c'est un autre écran, le smartphone c'est un autre écran, mais pour moi c'est le même support pour moi. Oui, juste par rapport à ça, le problème c'est souvent lié à un modèle économique qui marche ou qui marche pas. La télé on sait, parce qu'on vend de la pub, etc. Mmh. Donc il y a des financements possibles. On a pensé à un moment à la téléphonie mobile, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de modèle économique qui se mettait en place, donc on n'arrive pas à produire des contenus pour la téléphonie mobile. Alors sur internet il commence à y avoir des choses, effectivement on arrive à avoir des formats faits pour internet, mais c'est pas les mêmes financements que la chaîne de télé, mais ça peut être complémentaire. On peut imaginer, il y a des choses qui commencent à se faire du côté du livre numérique aussi, on peut avoir des déclinaisons de ce côté là, mais c'est pareil, ça reste très embryonnaire actuellement, donc c'est plutôt un pari pour l'avenir, mais il y a des pays où ça existe vraiment, donc voilà. S'il y a une diffusion, s'il y a un intérêt large du public, alors à ce moment-là, on peut vendre des espaces de publicité ou alors on peut avoir des retours sur le livre numérique par de l'achat direct. Donc en fait, c'est ça. C'est, pour l'instant, on est sur des trucs comme ça qu'on teste, mais ça peine à se mettre en place. On voit bien que tout ce qui est diffusion par Internet, on commence tout juste à voir quelles sont les possibilités pour avoir des financements. On voit bien qu'Adopi, ça ne fonctionne pas, mais il y a d'autres modèles probablement qui vont se mettre en place de ce point de vue-là. C'est là-dessus que ça va jouer.